Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Al-Bariha khatamna al-bab bab fadl at-tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Alhamdulillah alladhi bi tatimmu as-salihat. Donc hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fini le chapitre des mérites du tawhid et ce qu'il efface comme péché. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Le chapitre suivant s'intitule Celui qui concrétise le tawhid entre au paradis sans jugement. Celui qui concrétise le tawhid entre au paradis sans jugement. من حقق التوحيد من شرطية يفيد عموم المكلفين حقق فعل الشرط حقق التوحيد دخل الجنة هذا جواب الشرط بغير حساب إذن ولا عذاب كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى والمراد بدخول الجنة هنا الدخول المطلق الذي لم يسبقه النار. Donc ce qui est voulu ici par entrera au paradis, c'est le fait d'entrer au paradis sans passer auparavant par l'enfer. Car on a vu que l'entrée au paradis se divisait en deux. Celui qui rentrera directement au paradis sans passer par l'enfer, et ceux qui iront en enfer, puis sortiront de l'enfer pour finir au paradis. Ce qui est voulu dans ce chapitre, c'est ceux qui entreront au paradis directement. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Hadha al-bab katatimma lil bab alladhi sabaq. Ce chapitre est comme la suite du chapitre précédent. Illa annahu akhas. Si ce n'est qu'il est plus particulier, il concerne les monothéistes qui ont parfait le tawhid. Yata'allaq idhan bi safwati al-muwahhidin. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله ناسب أن يذكر هنا شيئا مما يتعلق بالكمال في باب التوحيد بمن حقق التوحيد هذا لأن تمام الفضل لا يحصل إلا بتمام التوحيد. Donc dans le chapitre passé, nous avons parlé des mérites du tawhid. Ici, l'auteur nous dit, celui qui parfait le tawhid entrera au paradis sans jugement. Donc la perfection, ou bien la plus grande part des mérites du tawhid, sera accordée à celui qui aura perfectionné le tawhid. Et parmi les plus grandes choses qu'obtiendront ces gens-là, le fait d'entrer au paradis sans jugement. Et donc sans châtiment. فَهَذَا الْبَابُ أَرْفَعُ رُتْبَةً مِنَ السَّابِقِ. Donc تحقيق التوحيد يكون بتحقيق الشهادتين. احفظوا هذا، تحقيق التوحيد يكون بتحقيق الشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. La perfection du tawhid s'atteint en concrétisant parfaitement l'attestation de foi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bitasfiyati ad-din min ash-shirk kullih wal bid'ah والمعاصي، فصار تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أمور. Donc la concrétisation du tawhid s'obtient ou s'atteint en concrétisant l'attestation de foi. Le fait de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Celui qui concrétise ce témoignage aura concrétisé at-tawhid. Cela en faisant trois choses. Premièrement, en se purifiant et en s'éloignant de toute forme de polythéisme. Deuxièmement, en délaissant les innovations. Et troisièmement, en ne restant pas constamment dans le péché. نحن نتكلم الآن على مقام عظيم أعلى ممن تحصل على فضل التوحيد. هؤلاء هم الكمال، ولا يدخل في هؤلاء إلا من حقق الشهادتين. كيف هذا؟ بثلاثة أشياء. أكرر وأدقق. بترك الشرك الأصغر، بترك شرك الأصغر، بترك البدع، وبترك الإصرار على المعاصي، كما ذكر حفيد الشيخ في قرة عيون الموحدين. تحقيق التوحيد بتصفيته وتنقيته من الشرك الأصغر والبدع والإسراع على الذنوب والمعاصي. Donc, on revient en détail. Comment parfaire son tawhid? Avec trois points. Premièrement, comme a dit le petit-fils de l'auteur rahimahullah ta'ala, en délaissant le polythéisme mineur. En délaissant, en se purifiant, en s'éloignant du polythéisme mineur. Pourquoi est-ce qu'ici les savants disent le polythéisme mineur? Al-shirk al-asghar. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Là. Là. Ici, est-ce qu'on parle des gens du tawhid ou des gens qui ont parfait at-tawhid? Les gens qui ont parfait at-tawhid. Si on avait parlé des musulmans, des gens du tawhid, on aurait dit ceux qui ont délaissé le shirk akbar. Mais là, il s'agit des gens qui ont le plus haut niveau. Il ne s'agit pas de kamal tawhid il wajib, mais kamal tawhid il mustahab. On parle de l'élite des gens du tawhid. Donc ces gens-là ont déjà délaissé al-shirk al-akbar, et c'est le commun des musulmans. Mais ici, il s'agit de l'élite des monothéistes. Alors les savants ont dit, ils ont délaissé al-shirk al-asrar, pour montrer que c'est l'élite. Ce sont des gens qui ont atteint le plus haut niveau. Deuxièmement, ils ont délaissé les innovations, car l'innovation vient à l'encontre et diminue ton témoignage de Mohammed Rasulullah. Celui qui innove dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ou qui accepte l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'aura pas concrétisé son témoignage, l'attestation dans laquelle il annonce qu'il reconnaît la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message. Même s'il prétend respecter et avoir fait cette innovation par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, il a diminué cette attestation et a manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa sunna. Troisièmement, il ne reste pas constamment dans les péchés. Pourquoi est-ce qu'on a dit l'israr, tark al-israr ala al-ma'asi, et nous n'avons pas dit tark al-ma'asi? Pourquoi est-ce qu'ici on dit que le troisième point est le fait de délaisser, le fait de rester constamment dans le péché, et on ne dit pas délaisser les péchés? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bani adam khatta, barakallahu fi, car nous ne sommes pas infaillibles. Mais ces gens-là, l'élite des monothéistes, font tout pour ne pas tomber dans le péché. Mais par moments quand même, ils tombent dans des petits péchés. Ou ils peuvent même tomber dans un péché plus grave, mais ils s'en repentent. Mais ils s'en repentent. Voici les trois points qu'il te faut réunir pour entrer dans la sphère, dans l'élite des monothéistes. Dans la minorité parmi la minorité. Et pour réunir ces trois points, il te faut encore trois autres choses. Mafhoum ? Pour réunir ces trois points, il te faut encore trois autres choses. هذا التحقيق لا يمكن إلا بأمور ثلاثة. الأول العلم بالتوحيد. فمن جاهله كيف يحققه. Premièrement, la science. Il te faut connaître ce qu'est le monothéisme, ce qu'est at-tawhid. Car celui qui ignore une chose, comment est-ce qu'il pourrait la parfaire? قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك. Donc Allah dit dans le Coran, dans sourate Muhammad, sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Donc ici on nous ordonne la science de la ilaha illallah. Thaniyan al-i'tiqad. Deuxièmement, la croyance. Ba'd al-ilm ta'taqidu an la ma'buda bihaqqin illallah. Donc tu dois avoir la croyance ferme que le seul à mériter l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, al-inqiyad. Troisièmement, la soumission. Bifi'li ou bil'amal bimuqtada hadhihi ash-shahada. Troisièmement, la soumission qui consiste à agir en fonction de ce qui découle de cette attestation. Na'am. Tu ne dois donc pas t'enorgueillir devant le tawhid, mais te soumettre à cette parole. Pour l'i'tiqad, contrairement, donc pour l'ilm, contrairement à l'ignorant, celui qui dit la ilaha illallah sans savoir le sens de cette parole. Pour l'i'tiqad, contrairement aux hypocrites qui ont dit la ilaha illallah mais n'ont pas eu cette croyance. Et pour Al-Inqiyad, contrairement à celui qui dit la ilaha illallah mais n'agit pas en fonction de cette parole. قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou. فمن أتى بهذه الأمور فقد حقق التوحيد والجنة مضمونه مضمون له بغير حساب. ولاحظ أن المؤلف لم يقل إن شاء الله. Donc celui qui réunit ces trois choses aura parfait tawhid et il a la garantie d'être parmi les habitants du paradis. Et cela sans jugement préalable ni châtiment. Et remarquez que l'auteur n'a pas dit إن شاء الله. Alors que lorsqu'on parle d'une chose à venir, nous disons Inch'Allah, comme c'est connu et comme c'est dans le Coran. Mais ici, l'auteur n'a pas dit Inch'Allah. Pourquoi? Car c'est un texte. C'est un texte qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous a informé de cette information. أما طيب إذن هذا لأنه حكاية عن حكم ثابت شرعا أما بالنسبة للمعين لا نقول له ذلك. Donc l'auteur n'a pas dit Inch'Allah car ici il nous transmet un jugement religieux de manière générale. Par contre, entre dans la croyance des gens de la sunna de ne pas témoigner de l'entrée au paradis d'une personne ou d'une autre, si ce n'est après avoir eu un texte particulier. C'est-à-dire, on ne peut pas dire un tel, tout particulièrement, et au paradis. Sauf s'il y a un hadith. Sauf s'il y a un hadith, comme pour Abu Bakr, Omar, et bien d'autres. تحقيق التوحيد له درجتان. La perfection du tawhid a deux degrés. Et les gens de la perfection du tawhid sont à deux niveaux différents. أولا تحقيق واجب. ثانيا تحقيق مستحب. Il y a donc ceux qui ont parfait l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la partie qui est obligatoire. Et le niveau supérieur comprend ceux qui ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la partie obligatoire mais également la partie surérogatoire. أما تحقيق التوحيد الواجب يأتي المرء بأصل التوحيد ويترك الشرك ويترك ما وجب تركه ويأتي بالواجبات. إذن يأتي بأصل التوحيد ويترك الشرك ويعمل بالواجبات ويترك المحرمات بحيث لا يسر على ذنب بل إن حصل منه تابه لأن كما ذكرنا كل بني آدم خطاء كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc premièrement, ceux qui ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala obligatoire, c'est-à-dire la partie obligatoire du tawhid. Ce sont ceux qui sont venus avec la base du tawhid, ont délaissé le polythéisme, ont mis en pratique les obligations et ont délaissé les interdits. Ces gens-là ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa partie qui est obligatoire. وأعظم القوادح في تحقيق التوحيد الشرك الأصغر لذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم علينا إلى شوز qui affecte le plus la perfection de ton tawhid, c'est le polythéisme mineur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le polythéisme majeur? لأنه يهدم التوحيد. Car le polythéisme majeur annule ton tawhid. Et nous ici on parle de quoi? La perfection du tawhid obligatoire. Donc la chose qui affecte le plus le tawhid obligatoire, la perfection du tawhid obligatoire est le polythéisme mineur, ash-shirku al-asghar. C'est pour ça que c'est la chose qu'a redouté le plus pour nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر سئل عنه قال الرياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose que je redoute le plus pour vous est le polythéisme mineur. Il fut questionné à son sujet, il a répondu c'est l'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation? C'est fi'l al-khayr wa iradatu al-ghayr. C'est le fait de faire le bien, de faire une bonne action à la recherche d'autre qu'Allah azza wa jalla. Tu fais cette action pour Allah, mais tu recherches les éloges d'autres que Allah tabaraka wa ta'ala. Tu agis pour qu'on dise du bien de toi. Et cela est le fruit d'un manquement dans la croyance. Quant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de détenir tout le bien entre ses mains, ainsi que tout le mal. Ou en obéissant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en recherchant autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire les éloges et ce genre de choses. Une faiblesse dans le tawakkul. Toutes ces choses-là emmènent à tomber dans ash-shirkul asghar. Regardez ceux qui s'accrochent des amulettes, des bracelets et ce genre de choses, des manfatma et autres. En pensant que par cette cause, on va repousser de le mal ou leur donner le bien. S'ils avaient la certitude et aucun manquement dans leur croyance quant au fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul à décider de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, le seul à pouvoir te toucher d'un mal, le seul à pouvoir enlever le mal de ta personne, le seul à pouvoir te donner le bien, ils n'auraient pas pu se diriger vers des bouts de fer, de cuivre ou autre. Wallah musta'an. Voici le premier point qu'on a cité pour parfaire le tawhid. Délaisser ash-shirkul asghar. Le deuxième point, délaisser l'innovation. Al-mubtadi' wa sahibul bid'ah mu'anid li shar'a wa ka'annahu yunkiru 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'innovateur ou celui qui a innové dans la religion d'Allah azza wa jalla, c'est comme s'il se mettait en face de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme s'il reprochait au prophète sallallahu alayhi wa sallam des manquements dans la transmission de son message. Wal-iyadu billah. Al-bida' sabilu dhulumat. L'innovation est un chemin ténébreux. Et ce chemin diminue la foi, même si la personne pense qu'elle se retrouve dans une assise des jardins du paradis et autres, de par l'égarement que Shaitan, par lequel Shaitan le touche. Aydan al-bida' ittiba'un lil-hawa. Également, celui qui entre dans le domaine de l'innovation aura suivi ses passions. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم تعظيمه بهذه البدعة. ابن القيم nous dit que tu ne trouveras jamais un innovateur sans qu'il rabaisse le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il prétend immensifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui témoigner un grand respect par cette innovation. Et l'imam al-Shatibi rapporte dans son livre Al-I'tisam la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala: mabtada'a bid'atun aw man ibtada'a bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. La ilaha illallah. Imam Malik dit: celui qui innove une innovation dans la religion puis prétend qu'elle est bonne aura prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi? Car Allah dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Donc celui qui dit qu'il reste des bonnes choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, alors qu'Allah nous a informé que la religion était complète, c'est comme s'il avait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis. Wa hashahu dhalik. Bal ballagha al-balagha al-mubin sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, al-ma'asiyah. Tarkul israr 'ala al-ma'asi. Al-mahabba aslun 'azim fi al-'ibada. L'amour d'Allah Azza wa Jal est la base la plus forte sur laquelle repose l'adoration. وهذه المحبة تستلزم منك محبة من ما أحبه الله. Nous aimons tous Allah Azza wa Jal. Et c'est l'essence même de l'adoration. Ben cet amour, de cet amour, na'am, doit découler l'amour de tout ce qu'Allah aime. Si tu aimes Allah véritablement, sincèrement, tu dois aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et Allah déteste les péchés. فَالْإِسْرَارُ عَلَى الْمَعَاصِي نَقْصٌ فِي التَّوْحِيدِ. Donc celui qui persiste dans les péchés, reste dans le péché, aura une faiblesse dans son unicité, dans التوحيد. لِأَنَّ هَذَا قَدَّمَ هَوَاهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. قَدَّمَ طَاعَةَ الشَّيْطَانِ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَنِ سُبْحَانَهُ. لِذَا مَا سَلِمَ مِنَ الشِّرْكِ وَمِنْ شَرَكِ الشَّيْطَانِ إِلَّا الْمُخْلَصِينَ. Donc celui qui obéit au shaitan et désobéit au tout miséricordieux aura une faiblesse dans son tawhid. C'est pour cela que personne ne sera à l'abri des filets du shaitan si ce n'est les gens sincères. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a sauvé Yusuf, il nous a dit: innahu min ibadina al-mukhlasin. Il fait partie de nos serviteurs qui ont été élus, qui ont atteint le summum de la sincérité. Donc plus la personne aime Allah, plus elle est sincère envers Allah, plus elle délaisse les péchés. Aussi, donc on a expliqué ce point-là avec la mahabba. Un autre point, un autre pilier des piliers de l'adoration, al-khawf min Allah. من أصر على الذنوب هذا دليل على ضعف في خوفه من الله. Celui qui reste constant dans les péchés, constamment dans les péchés, cela sera une preuve qu'il a un manquement dans sa crainte d'Allah. وهذا من نقص التوحيد. Et cela fait également partie de la faiblesse du tawhid. Et le dernier point qu'on cite pour expliciter cela, al-israru 'ala al-ma'siyah bi sabab ta'alluq al-qalb biha. فهذا القلب إذا تعلق بغير الله وصارت محبة ورجاء في غير الله سبحانه وتعالى إذا فهو من نقص توحيد والإحسان في قصد الله والإقبال إليه. Celui qui ne délaisse pas les péchés et la constance n'a dans son péché, c'est dû au fait que son cœur s'est attaché à ce péché, s'est accroché à ce péché, à cette passion. Donc son cœur s'est dirigé quelque peu vers un autre qu'Allah, a aimé, a espéré en un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, cela fait partie de la faiblesse du tawhid. Car si la personne s'était dit de madha, dirigée pleinement vers Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'aurait pas eu de mal à se délivrer de ce filet qui est le péché et la passion. Et une dernière remarque avant de passer au deuxième degré, l'élite des monothéistes. Une dernière remarque, na'am. Ne pensez pas ou ne comprenez pas que ceux qui entrent dans les catégories de la perfection du tawhid sont des gens infaillibles, qui ne commettent aucun péché. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Kullu bani Adam khatta' wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur et pécheur. Et le meilleur de ces gens-là sont ceux qui se repentent, sont ceux qui se repentent. Si ce n'est que ces gens-là, lorsqu'ils tombent dans le péché, c'est par inadvertance, c'est occasionnel. Et après cela, yubadiruna ila tawba wa rujou ila Allah azza wa jal. Et lorsqu'ils tombent dans le péché, ils se souviennent, se rappellent, et reviennent vers Allah azza wa jal et se repentent. قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى نجي ceux qui lorsqu'ils commettent des turpitudes ou des injustices contre eux-mêmes se rappellent, demandent alors pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Ils ne persistent pas dans sa désobéissance. Alors qu'ils savent. En sourate Ali Imran. Naam. Donc, efforce-toi d'étudier la ilaha Allah, de mettre en pratique la ilaha Allah, d'étudier Muhammadur Rasulullah, de mettre en pratique Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa shay'u bi shay'in dhukar. Et le frère Sadaq waffaqahu Allah enseigne un livre qui a la plus grande importance, Al-Shama'il de l'imam al-Tirmidhi, sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam le samedi après l'asr. Donc ici on étudie ce qui a un rapport avec la ilaha Allah. Donc venez également le samedi après Salat al-Asr pour étudier ce qui se rapporte à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'en étudiant les deux, vous pourrez inshallah faire partie de ceux qui ont parfait tawhid. Passons maintenant au meilleur niveau. Tahqiq at-tawhid al-mustahab wa huwa murad al-shaykh fi hadha al-bab. Donc jusqu'à présent, on parlait de la perfection du tawhid obligatoire, du niveau obligatoire. Et on a dit qu'il y a un degré encore au-dessus, c'est la perfection du tawhid surérogatoire. Donc, non pas la partie obligatoire, mais celle qui est au-dessus. C'est l'élite parmi l'élite des monothéistes. Une minorité parmi la minorité. Ils sont très peu, comme on le verra dans le hadith. Al-Sheikh al-Sindi, hafidhahullahu ta'ala wa rahimah, un Sheikh de Médine, avant d'expliquer cela, a dit une parole qui est touchante. Il dit « Wa inna al-insan la yastaghfiru Allah yatakallama fi martabatin ma shamma lahu ra'iha. » Il dit « Et l'homme a honte de parler. » Ou bien l'homme a honte, na'am, et demande pardon à Allah. De parler d'une chose, de parler d'un degré duquel il n'a jamais senti l'odeur. Duquel il n'a jamais senti l'odeur. C'est-à-dire que le shir dit qu'il va parler de l'élite des gens du tawhid. C'est comme s'il disait alors que lui n'est pas du tout de ces gens-là. Si ce shir a dit ça et qu'il enseigne le tawhid dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allons-nous dire nous? Masakin. Wallah al-musta'an. فهذه الدرجة فهذه الدرجة قل من وصل إليها. Ce niveau, rares sont ceux qui ont pu l'atteindre. وأعظم الناس تحقيقا لها الأنبياء والرسل. Et les meilleurs à avoir atteint ce niveau sont les prophètes et les messagers. وأعظمهم أولو العزم من الرسل. Et les meilleurs d'entre eux, les cinq meilleurs messagers, les doués de fermeté. Qui sont-ils? Dans l'ordre. Ça, c'est dans le désordre. C'est encore dans le désordre. Allah s'lihuk. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim. Allah s'lihuk ant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibrahim alayhi sallam. Puis Moussa alayhi salam, puis Isa, puis Nuh. Il y a une divergence entre eux, Isa et Nuh. Wadah? Certains savants ont divergé sur les deux derniers. Donc ces cinq-là, comment est-ce qu'on les nomme? Ulil azm min ar-rusul. Ils ont été cités dans deux versets du Coran. La semaine prochaine, vous me citez ces deux versets-là. Inch'Allah. Et le meilleur à avoir parfait, et les deux meilleurs à avoir parfait at-tawhid, parmi Ulil azm sont qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim al-Khalilan. Et le meilleur de al-Khalilayn est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidi man haqqaqa at-tawhid sallallahu alayhi wa sallam. Donc on remercie Allah, celui qui nous a joint à la communauté du meilleur des prophètes qui a parfait at-tawhid. ضابط هذه المرتبة أن يقبل العبد على الله سبحانه وتعالى بقلبه وجوارحه بالكلية ولا يلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. Qui sont ces gens-là? Ceux qui ont parfait التوحيد. At-tawhid, la perfection du tawhid surrogatoire. Ce sont ceux qui se sont dirigés entièrement vers Allah avec leur cœur, avec leurs membres, entièrement, au point de ne jamais se diriger, de ne jamais pencher avec leur cœur vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqbilu ala Allah bil mahabbati wa ta'zim wal khawfi wal raja wa tawakkul ma'al istislamil kamil wa dhullit tam. Fala yabqa al makan farighan li ghayrihi subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là se sont dirigés vers Allah tabaraka wa ta'ala, le cœur rempli d'amour, de crainte, d'espoir, de soumission, de respect vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une soumission totale et un amour complet. Au point où ce cœur n'a laissé aucune place pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. فَإِذَا أَحَبَّ شَيْئًا أَحَبَّهُ لِلَّهِ وَإِذَا قَالَ شَيْئًا قَالَهُ لِلَّهِ وَإِذَا قَادِمَ إِلَى شَيْءٍ فَعَلَ هَذَا لِلَّهِ وَإِذَا أَبْغَضَ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَإِذَا أَعْطَى أَعْطَى لِلَّهِ وَإِذَا مَنَعَ مَنَعَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَزْ. Ces gens-là, lorsqu'ils aiment une chose, ils l'aiment pour Allah. Lorsqu'ils détestent une chose, ils la détestent pour Allah. Lorsqu'ils disent une chose, ils le disent pour Allah. Par Allah. À la recherche d'Allah. Lorsqu'ils donnent quelque chose, ils le donnent pour Allah. Lorsqu'ils font un pas, ils le font pour Allah. Lorsqu'ils se taisent, ils se taisent pour Allah. Leur silence est pour Allah. Leurs paroles sont pour Allah. Leurs actions. Leur être. Leur cœur entièrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَاُولَا اَيْضًا تَارَكُوا فُضُولَ الْمُبَاحَاتِ. Ces gens-là ont même délaissé les futilités parmi les choses permises. فَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَقَامُوا بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ حَتَّى تَرَكُوا فُضُولَ الْمُبَاحَاتِ. لماذا؟ لأن هذا يشغلهم عن الكمالات. Ces gens-là, vous retenez ça, ont délaissé les péchés et les choses détestables. Ont mis en pratique les obligations et les actions surérogatoires. Et ont même délaissé les futilités parmi les choses permises. Pourquoi ? Car cela les empêcherait d'atteindre les plus hauts degrés. Car cela les empêcherait d'atteindre les plus hauts degrés, la perfection. إذن هذا التوحيد هذا الكمال يتحقق بفعل وترك. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à délaisser. Ces gens-là s'éloignent également des choses douteuses. Ces gens-là, هؤلاء يتورعون عن المشتبهات ويستغنون عن الخلق. Et ils ne se dirigent pas vers les créatures. Ils ne demandent pas aux créatures les choses de la dunya. لأن قلوبهم مشتغلة بالله سبحانه وتعالى. Car leurs cœurs sont complètement occupés et leur temps est pris par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont occupés par l'adoration d'Allah azza wa jalla, la recherche de son agrément. Et souvenez-vous du hadith وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ. Dans le hadith Qudusi, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc ce degré-là, ne pensez pas que le serviteur l'a atteint par lui-même, mais c'est Allah Azza wa Jal qui, après avoir vu sa véracité et ses efforts, l'a élevé dans ce degré-là. Et à la suite de ce hadith, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا الْحَدِيثِ. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal lui accorde par la suite التوفيق, comme les savants expliquaient ce hadith. et celui qui s'efforce de préserver les obligations de laisser les interdits. Allah Azza wa Jal l'aidera afin qu'il préserve les actions surrogatoires et délaisse les actions détestables, al-makruhat. Wal-muwaffaq man waffaqahu Allah. L'auteur a cité deux versets et un hadith. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Allah dit, Allah le Très-Haut dit, Ibrahim était une ummah parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et n'était point du nombre des associateurs. Al-ummah المراد في هذه الآية الإمام القدوة الذي جمع صفات الكمال. Souvenez-vous qu'on avait expliqué que le mot umma dans le Coran a plusieurs sens. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. Le mot umma ici était طائفة من الناس الجيل, génération, siècle. Et le mot umma dans ce verset est l'imam, le guide religieux, celui qui a réuni les meilleurs caractères humains. Alladhi jama'a sifat al-kamal al-bashari wal-khayr. Donc Ibrahim alayhi salam avait cette qualité. C'était un exemple. Et en tant qu'exemple, il avait réuni la perfection humaine dans le din, le comportement et les qualités. Wa min hadhihi sifat tahqiq at-tawhid. Et parmi ces qualités donc, la perfection du tawhid. La perfection du tawhid. Inna Ibrahima kana ummah qanitan. Al-qunut huwa dawam at-ta'a. Qanitan, ici ils ont traduit par soumis à Allah. Al-Mada, c'est-à-dire constamment dans l'adoration d'Allah. Constamment dans l'adoration d'Allah. Hanifan, al-Hanif huwa al-mu'ridu ala afwan. Al-Hanif huwa al-muqbilu ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Al-Hanif, c'est celui qui se dirige entièrement vers Allah et se détourne de tout autre que lui. إذن قال الله إن إبراهيم كان أمة أي قدوة في الخير جمع صفات الكمال البشري ومن هذه الصفات كمال التوحيد المستحب قانتا القنوت دوام الطاعة حنيفا الحنيف والمقبل على الله المعرض عما سوى كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن أصله لم يكن وحذفت النون تخفيفا ولم يكن من المشركين أي فارقهم بالقلب واللسان والبدن تبرأ منهم ولم يتشبه بهم وهذا تأكيد لاستمراره على التوحيد فإلا هذا مذكور في قول الله تعالى حنيفا. Donc Ibrahim, certes Ibrahim était à lui tout seul une communauté, c'était un guide, un exemple. Il a réuni les meilleurs caractères, les meilleures qualités humaines, et parmi ces qualités, la perfection du tawhid. Constamment dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dirigé vers lui, et ne faisait pas partie des associateurs, ni avec son cœur, ni avec ses actions, ni avec ses membres, ni avec ses paroles. في هذه الآية يمدح الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal fit les éloges d'Ibrahim avec quatre caractéristiques. C'est un exemple dans le bien. Et pour être un imam dans le bien, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il faut parfaire l'endurance et avoir la certitude. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Deuxièmement, خَاشِعًا مُطِيعًا لِلَّهِ عَلَى الدَّوَامِ. Deuxièmement, il était constamment soumis à Allah Azza wa Jal dans son obéissance. Troisièmement, complètement éloigné du polythéisme. Et quatrièmement, des adeptes du polythéisme, des polythéistes. Est-ce qu'ici, Allah Azza wa Jal nous cite cette belle description d'Ibrahim alayhi salam juste pour qu'on ait connaissance de cette information, ou afin qu'on se rappelle de l'élite des monothéistes, qu'on les prenne en exemple et qu'on suive le même chemin? لنقتدي به عليه السلام في صفاته. مناسبة الآية للباب وصف إبراهيم بهذه الصفات التي فيها غاية الغاية في تحقيق التوحيد. L'auteur a cité ce verset dans ce chapitre car ici Ibrahim عليه السلام a été décrit d'une manière ou a été décrit par des caractéristiques qui comprennent la perfection du tawhid. وزيادة في التوضيح وجه الدلالة معنى الأمة الإمام والقدوة الإمام والقدوة الذي جمع صفات الخير البشري. Dans ce verset, de plusieurs points de vue, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'Ibrahim a parfait tawhid. Ummah, dans le mot ummah, il y a la perfection du tawhid, car il a réuni les meilleures qualités. Hanifan, il y a la perfection, ou bien qanitan, il y a la perfection du tawhid, car cela signifie qu'il se dirigeait tout le temps vers Allah. Troisièmement, hanifan, cela signifie qu'il se détournait du polythéisme et se dirigeait entièrement vers Allah Azza wa Jal. Wa lam yakum minal mushrikin. إذن أفراد الله بالعبادة. Il a donc unifié Allah Azza wa Jal d'un culte sincère à délaisser le polythéisme. Au point d'être constamment dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et dirigé vers lui, voici la perfection du tawhid. Et s'il s'est détourné des associateurs, entre dans le chemin des associateurs, le shirk, l'innovation et les péchés. Donc Ibrahim s'est éloigné de tout ça, il a donc concrétisé la perfection du tawhid sur rogatoire. وَنَحْنُ مَأْمُرُونَ بِالِاقْتِدَى بِهِ عليه السلام قال الله ثُمَّ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et nous avons reçu l'ordre de suivre la voie d'Ibrahim عليه السلام. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, puis il t'a été révélé de suivre la voie d'Ibrahim. الآية. Nous arrêtons sur ce verset pour ce soir et on continuera inshallah ta'ala la semaine prochaine jeudi soir. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna wa zidna 'ilma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.